Deuxième livre des Chroniques, chapitre 16. La 36e année du règne d'Asa, Baasa roi d'Israël monta contre Juda, et bâtit Rama, afin de ne laisser sortir ni entrer personne vers Asa roi de Juda. Et Asa tira l'or et l'argent des trésors de la maison de l'Éternel, et de la maison royale, et envoya vers Ben-Hadad roi de Syrie qui demeurait à Damas, pour lui dire, « Il y a alliance entre nous, et entre mon père et le tien, voici, je t'envoie de l'argent et de l'or, va, romps l'alliance que tu as avec Baasa roi d'Israël, et qu'il s'éloigne de moi. » Et Ben-Hadad acquiesça au roi Asa, et envoya les capitaines de son armée, contre les villes d'Israël, qui frappèrent Ijon, Dan, Abel-Majim, et tous les magasins des villes de Nephtali. Et il arriva que dès que Baasa l'eut entendu, il se désista de bâtir Rama, et fit cesser son ouvrage. Alors le roi Asa prit tous ceux de Juda, et ils emportèrent les pierres et le bois de Rama que Baasa faisait bâtir, et il en bâtit les bas et Mitzpa. Et en ce temps-là Hanani le voyant vint vers Asa roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es point appuyé sur l'Éternel ton Dieu, à cause de cela l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. Les Éthiopiens et les Libyens, n'étaient-ils pas une fort grande armée, ayant des chariots, et des gens de cheval en grand nombre, mais parce que tu t'appuyais sur l'Éternel, il les livra entre tes mains. Car les yeux de l'Éternel regardent çà et là par toute la terre, afin qu'il se montre puissant en faveur de ceux qui sont d'un cœur intègre envers lui. Tu as follement fait en cela, car désormais tu auras toujours des guerres. » Et Asa fut irrité contre le voyant, et le mit en prison, car il fut fort indigné contre lui à cause de cela. Asa opprima aussi en ce temps-là quelques-uns du peuple. Or voilà les faits d'Asa, tant les premiers que les derniers, voilà, ils sont écrits au livre des rois de Juda et d'Israël. Et Asa fut malade de ses pieds, l'an 39e de son règne, et sa maladie fut extrême, toutefois il ne rechercha point l'Éternel dans sa maladie, mais les médecins. Puis Asa s'endormit avec ses pères, et mourut la 41e année de son règne. Et on l'ensevelit dans son sépulcre qu'il s'était fait creuser en la cité de David, et on le coucha dans un lit qu'il avait rempli de choses aromatiques, et d'épiceries mixtionnées par art de parfumeur, et on en brûla sur lui en très grande abondance.